sera plus un lien. De ces mots au fond de la peau qui en disent un peu trop. Puis je vois la fille encore plus sûre. Pareil que de poing dans le mur. Je veux juste aimer quand je vais m'en trouver. Tout nu, au creux de mon lit, caché mes doigts. Au fond de mon appartement, j'ai moins peur de ciment. C'est bon d'entendre marcher. Quand c'est l'eau de plancher. ça débat. Tout le monde tire sa corde, c'est fragile. Marcher sur un fil, c'est tragique. Finir dans un cirque, c'est mortel. Suivre un carrousel. Ben, quand je viens nos parapluies, quand le qui marche ou qui ennuie, si je sens ton bas qu'on partage le manquis. Comme si tout le monde payait sa place, pour voir chacun d'un ou perdre la face. Quand je suis fini, je tombe toujours à bord du lit. Soyez ça. Il vend noir et blanc, quand t'as le cœur rempli de couleurs. C'est étrange, l'orchestre se mélange, c'est une parade, tout le monde est malade. Pégagé sous nos parapluies, y'en a qui foncent ou qui s'enfuient. Tomber de si où on fait doucement bruit. C'est comme marcher au-dessus d'un abîme, en bas la foule.